Je m'appelle Claire, j'ai 25 ans. Je suis prof de français depuis 3 ans, au collège et au lycée. Ce métier, qui m'avait si souvent été décrit comme une vocation, n'a jamais été une évidence pour moi. Sans doute pas non plus un désir. Il a plutôt été l'aboutissement logique de mes études de lettres, d'abord en prépa, puis à l'ENS. J'ai choisi de passer le CAPES plus vite que prévu, car j'étais marquée, fatiguée par mon parcours élitiste et difficile, et j'avais perdu mon enthousiasme premier pour les études. Je me suis donc envolée pour une première année de stage dans un collège breton. En prenant cette décision, je rêvais de me sentir enfin utile, de trouver du sens à ce que je faisais, d'être dans la vraie vie, et surtout de pouvoir transmettre un plaisir que j'avais moi-même perdu, celui d'apprendre, de lire et pourquoi pas même de vivre. 3 ans après, le constat est beaucoup plus mitigé. Que ce soit au collège ou au lycée, j'ai traversé des périodes difficiles. Et pour des tas de raisons, je ne suis pas toujours sûre de vouloir continuer à faire ce métier. Écoutant par ailleurs fréquemment des documentaires radio, je me suis dit « Toi qui te poses tant de questions dans ton coin en permanence, pourquoi tu n'irais pas voir tes collègues, tes amis, qui comme toi, remettent ce fameux plus beau métier du monde en question et s'interrogent sur leurs désirs, leur avenir et le sens qu'ils souhaitent y donner ? Peut-être qu'à plusieurs, on parviendra, sinon à mieux comprendre, au moins à se sentir moins seul. » Épisode 1, les origines. Si le métier de prof m'a souvent été décrit et compté comme une vocation, c'est d'abord, il faut le dire, parce qu'il fait partie de mon héritage. Ma mère est professeure des écoles, et selon tous les récits familiaux, cela a toujours été, du plus loin que l'on puisse apparemment remonter, son désir le plus ultime, sa voix. Il y a quelques mois encore, ma tante me l'a dépeignée à 8 ans, en train de faire classe à sa petite sœur, munie de ses craies et de son tableau noir. Mon arrière-grand-mère était elle aussi institutrice, elle qui, selon les mêmes légendes familiales, cachait les pneus de voitures des habitants de son village normand sous l'estrade de sa classe pendant la guerre pour ne pas qu'ils soient saisis par les Allemands. La tante de ma mère était également maîtresse, et j'en passe sûrement. Mon enfance a donc été bercée par ces récits, tous féminins, sur la beauté et l'importance de ce métier, mais également, plus discrètement, implicitement, sur la disposition naturelle qu'il supposait. Une disposition à transmettre, mais aussi un je ne sais quoi de flou, de mystérieux, et surtout d'impressionnant pour la petite fille que j'étais. Je crois qu'à l'époque, je me suis mise au défi d'acquérir un jour cette aura, celle de la femme presque née pour le sacrifice que représentait ce métier. Mais le passage du récit familial à l'expérience s'est révélé plus ardu et plus déroutant que prévu. C'est pourquoi j'aimerais commencer cette série avec un épisode sur les origines, en questionnant les motifs qui ont pu, initialement, attirer mes collègues et amis vers ce métier. Alors, peut-être que même bien avant de considérer l'envie de faire ça, il y a Frédéric, prof de lettres et de cinéma, 42 quelque ans. Quelque part dans mon enfance, peut-être une base de tragédie familiale, puisque j'ai eu un oncle que j'ai jamais connu, qui est mort avant ma naissance, le frère de mon père, qui faisait des études pour être instituteur. Et plus tard, alors qu'il était mort depuis des années, sa fiancée de son époque continuait de venir manger à la maison, voir mes grands-parents, mon père, etc. Donc elle était devenue institutrice. C'était le seul rapport réellement que j'avais au métier d'enseignant dans ma famille, une famille qui n'est pas du tout dans ce milieu-là. Mais il y avait peut-être ce vide qui avait quand même un rapport avec l'enseignement. Et donc, du coup, ces gens-là, donc il y avait donc l'ancienne fiancée de cet oncle que j'ai jamais connu, son nouveau mari, les deux étaient instituteurs, venaient manger à la maison de manière très régulière. Et après, alors du coup, il y avait mon père qui avait un certain rapport avec ces enseignants-là, qui avait un rapport un peu de critique vis-à-vis de ça, de gens qui savaient tout, qui étalaient un petit peu leur science. Donc là, il y avait plutôt quelque chose de péjoratif là-dedans. Et après, alors je pense qu'en grandissant, j'avais quand même une vraie envie d'être prof quand j'étais au collège-lycée. Moi, j'adorais les sciences et je me voyais, surtout la biologie, je me voyais très bien prof de biologie. Et durant tout mon collège, et même jusqu'en seconde, pour moi, mon avenir, c'était prof de biologie. J'adorais cette matière et je me voyais bien prof. Mais donc, avec toujours ce petit regard familial du côté de mon père et du côté de ma mère, quelque chose qui était un peu plus de l'ordre du mépris de classe par rapport aux enseignants, parce que ça gagnait pas assez un prof et qu'elle voulait pas que je fasse ce genre de métier. Et bon, alors qu'à l'époque, un prof gagnait plus, avait plus de pouvoir d'achat et même avait une situation, au niveau de la société, quoi, une vision au niveau social qui était meilleure hein, que maintenant. Mais voilà, il y avait quand même un petit mépris de classe à ce niveau-là. Mais bon, pour moi, il y avait quand même cette idée de faire prof, même avec des réticences familiales, des freins familiaux à ce niveau-là. Il y avait un mépris de classe, quoi, c'est-à-dire que peu importe en fait la culture et le métier et justement le sens du métier, parce qu'il faut quand même dire les choses, c'est-à-dire au-delà de tous les problèmes qu'on a, au-delà de tout ce qui ne marche pas dans l'éducation nationale en tant que telle, si on prend juste la notion même de prof, c'est effectivement un métier qui est, quand on dit le plus beau métier du monde, c'est en tout cas peut-être le plus utile au monde, c'est-à-dire on forme la jeunesse, on lui donne la culture, on essaie de l'amener à la vie adulte, c'est quelque chose qui est par nature passionnant, tant qu'ensuite il y a évidemment énormément de problèmes dans la pratique, mais au niveau théorique, au niveau de la notion, c'est quelque chose de... C'est sans doute le métier le plus important qui soit dans une société. Donc oui, on était plus là dans le... Peu importe finalement que ce métier soit important ou beau en tant que tel, puisqu'il ne gagne pas assez d'argent, il y avait un mépris de classe à ce niveau-là. Mais un désir ardent d'être prof, absolument pas. Steven, 30 ans. Prof de philo. Déjà parce qu'il fallait faire des études, c'était hors de question. À l'origine, je voulais, jusqu'en 6e, je voulais être archéologue, jusqu'à ce que je rencontre un jour un archéologue qui m'a expliqué qu'il fallait faire, je crois, 8 ou 9 ans d'études. J'ai dit, c'est mort, je fais pas ça. Mon objectif, c'était de faire le moins d'études possible à la base. Je crois pas que j'ai eu... Enfin, c'était plus par les études, notamment les études de philosophie, où c'est une sorte de... Passer les concours, ça devient une... c'est une norme. En philosophie, c'est vraiment une norme. Personne ne passe pas les concours. Même ceux qui se destinent à faire autre chose passent le concours parce que... En gros, le concours, c'est un peu le diplôme, quoi. Qui permet d'accéder à d'autres choses. Et avec le recul, on se pose jamais la question de pourquoi on passe le concours. Même dans les années de préparation au concours, en fait, il y a aucune finalité. C'est comme si c'était une finalité en elle-même, ce concours, que ce soit le CAPES ou surtout la grègue, et je me souviens le jour des résultats, quand j'ai compris que ça voulait dire que j'allais être prof en septembre, c'était une sorte de panique, étrange. J'avais fait quelques trucs de cours particuliers et tout, mais bon, bah voilà, je ne m'étais jamais représenté moi en tant que prof, et c'est au jour où on m'a dit, bah en fait, ça veut dire que tu vas faire ça. Enfin, on me l'a pas dit, en fait, je l'ai déduit tout seul. vous êtes admis, ça veut dire que... Ou là, je me suis dit, ah ouais, ça veut dire ça, je vais faire ça. Et du coup, justement, quand t'as compris assez tardivement que ça allait être ta réalité d'ici 2 mois, quoi, je me demande, enfin, tu dis que le premier truc, ça a été une panique étrange. Ouais. C'était quoi les facteurs de cette panique ? Bah, c'est que, après, très clairement, c'est lié aussi aux études où on étudie... ça doit être le cas dans plusieurs disciplines, mais en philosophie, je pense que c'est assez particulier. On étudie la discipline en elle-même à des niveaux très poussés, qui font qu'on ne se pose jamais la question déjà du sens de ce qu'on étudie, globalement, mais de la transmission de cette chose-là. Je sais que tout ce que j'ai étudié, je ne peux pas m'en servir, c'est absolument inabordable pour des élèves de terminale. Et donc il y a une sorte de dissociation complète entre les études, y compris les préparations au concours, et la finalité pour laquelle c'est fait. Donc le premier facteur de panique, c'était ça, c'était de dire, mais en fait, maintenant, ok, je sais des trucs qui ne servent à rien, et il va falloir que je transmette, mais je sais même pas ce que je dois transmettre et comment on le fait. Et voilà. C'était plus cette représentation-là, plus que les trucs d'autorité en classe qui m'ont jamais inquiété. Je me suis jamais dit, tiens, peut-être vaguement la veille de la rentrée, et encore, je me souviens même pas de ça, mais ça a dû me traverser à un moment donné. Mais c'était plus, en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, comme on est tous tombés sur des profs formidables qui nous ont donné envie de faire ce métier, il y a aussi des profs absolument lamentables qui nous dégoûtent de certaines choses. Et moi, ben, je suis tombé, durant toutes mes années de lycée, j'ai eu la même prof de biologie, qui était une tarée, et qui m'a dégoûté de la matière. C'est-à-dire, je suis passé de 19 à 4 de moyenne dans cette matière-là. Je pouvais plus c'était quelque chose qui m'intéressait plus du tout. C'était hallucinant avec elle. Elle était vraiment, vraiment complètement, complètement folle. Et donc, ben, cette envie de devenir prof de biologie s'est évanouie un petit peu durant toutes ces années lycée. Quand je suis arrivé à la fin de mes années lycée, ben, du coup, cette trajectoire de vie qui m'avait quand même accompagné depuis très longtemps, hein, je pense même depuis avant peut-être mes années collège, n'était plus là. Et donc, bah, j'étais un petit peu plus paumé peut-être pour savoir ce que je pouvais faire. Et donc, bah, j'ai fait beaucoup de choses différentes ensuite dans ma vie. Donc, j'ai fait du commerce, j'ai fait du droit, j'ai fait de la cuisine, j'ai monté une société, j'ai fait plein de choses différentes. J'ai travaillé dans le milieu bancaire, etc. Et là, alors que ça s'était vraiment évanoui, hein, dans ma tête, là, ce concept d'enseignement, il y a quand même eu à travers tous ces métiers-là une espèce de besoin, une recherche de sens quand même dans le métier que je faisais. Et le sens, je n'arrivais pas à le trouver, notamment dans les métiers du droit ou dans les métiers bancaires, j'en étais très loin. Petit à petit, je voulais toujours quand même me rapprocher d'une quête de sens, c'est-à-dire d'avoir une utilité quand même dans ma vie, qui ne soit pas qu'une utilité financière, qui ne soit pas juste gagner de l'argent, même si ça pouvait être gagner beaucoup d'argent. Il y avait quand même un vide immense dans ce qu'on fait. C'est-à-dire quand on est derrière un ordinateur, qu'on rentre des chiffres, qu'on appelle des clients, qu'on fait des choses comme ça, il y a un vide immense quand même qui peut se créer dans est-ce que ce que je fais a un sens. Donc même si on a une fiche de paye à la fin du mois, et ça ne suffit pas à remplir ce vide-là. Et donc bah, petit à petit, l'envie du métier d'enseignant est revenue petit à petit. Et avec en plus, bah, dans ma vie, dans ma découverte culturelle, où je me suis beaucoup plus rapproché des lettres, de la littérature, de la culture, de manière générale, de la fiction qui a toujours été très très présente dans ma vie, de l'étude de la fiction. Oui, je pense, mais oui, après c'est plus, c'est pareil, c'est un truc qui vient plus que de l'expérience personnelle, enfin en fait un peu les deux, à la fois l'expérience personnelle d'avoir été chamboulé par des trucs, par des lectures, par des cours ou des concepts qui d'un seul coup font un effet un peu waouh de... En fait, c'est peut-être plus compliqué que ce que je crois, mais aussi parce que c'est surthéorisé en philosophie. En fait, ce truc, déjà chez Platon, t'as le truc de l'étonnement, de la torpille socratique là, qui vient tout remettre en place. Donc, j'arrive pas à faire la part des choses entre ce qui relève du sentiment et ce qui relève de la théorie. Et cette théorie, elle donne aussi une sorte de ligne de conduite de ce que tu dois être en tant que professeur de philosophie, quoi. Et alors, si tu devais essayer de définir cette ligne de conduite, ce serait quoi ? Ben, je pense, en fait, il y a un truc qui est fou, c'est la ligne de conduite, on dirait que c'est Socrate qui l'a définie. Et ça, tu vois, dans la philosophie, c'est aussi pour ça, peut-être que naturellement, j'en suis venu à l'enseignement, c'est que la philosophie, historiquement, c'est une matière, enfin, c'est une discipline d'enseignement, et c'est rien d'autre. Bah, déjà, parce que dans le mythe, on va dire, de la philosophie, dans le mythe de l'histoire de la philosophie... On place Socrate comme étant une sorte de point de départ, ce qui historiquement est absolument faux, mais voilà, c'est pas l'origine, mais c'est vraiment le fondement de l'histoire de la philosophie. Et je pense que beaucoup de gens savent, Socrate c'est l'enseignant, on va dire, c'est le prof de philo de Platon. Même si bon, bah, faut remettre les choses à leur place, ça marche pas comme on peut se le représenter aujourd'hui, mais voilà, c'est l'enseignant de Platon. Platon lui-même a été plus ou moins le professeur d'Aristote qui a ouvert sa propre école. Et donc, dans le fondement même de la philosophie, il y a ces histoires de filiation, en fait, philosophiques, et des filiations qui sont aussi des oppositions. Aristote, il se barre de l'école de Platon, de l'académie, pour fonder sa propre école, en disant qu'il est, la citation célèbre, il est ami de Platon, mais plus encore de la vérité. Donc c'est toute une histoire qui se construit vraiment dans la filiation. Quand on étudie l'histoire de la philosophie, on étudie les relations entre des élèves plus ou moins directs. C'est-à-dire Descartes, par exemple, on peut compter parmi ses élèves Spinoza et Leibniz, même s'ils ne l'ont jamais rencontré, ils ont vécu pas spécialement la même période, mais il y a une histoire de filiation qui s'installe. À la fois, j'ai des souvenirs, moi, affectifs de je sais pas, par exemple, l'explication du déterminisme, ça a été bouleversant, des choses comme ça. Et en même temps, c'est à la fois théorisé comme donc ce qu'on disait à la torpille socratique, c'est-à-dire le Socrate qui vient déboussoler les jeunes Grecs parce qu'il leur explique un peu comment ça marche et il remet en question sur tout le monde. Donc je pense que ça définit cette ligne de conduite où c'est un peu le rôle que t'endosses en tant que prof de philosophie, de venir casser les préjugés, le truc de la caverne de Platon où les gens vivent dans les préjugés et puis il faut aller les tirer de force, hein, parce que chez Platon c'est vraiment de force. Le gars il a pas envie de sortir de la caverne, il est très bien. mais on le force à sortir. Et donc, ça, c'est en ça que je parlais de ligne de conduite. Quoi. On a une sorte d'exigence morale. Après, il y a peut-être que moi qui l'ai reçu comme ça, mais je pense, honnêtement, je pense pas. Une sorte d'exigence morale à dire, eh ben, il faut aller sortir les gens des préjugés pour les mettre dans ce flou. Ou à la fin, je leur dis non, mais je sais pas non plus. Il y a pas de vérité, en fait, dans le gars, je vous le dis. Il y en a probablement une, mais je sais pas où elle est. Donc, voilà. Vous pensez, moi, je suis dans la merde, je ne sais pas quoi penser, donc maintenant, vous non plus. Parce que vous avez eu le plaisir de m'avoir pendant un an. Et je pense, ouais, c'est comme ça qu'on... En tout cas, que je me suis représenté, et qu'on est très nombreux à se représenter le métier de prof de philosophie, au-delà des trucs, des aspects importants du programme, parce qu'il n'y en a pas véritablement. Plus peut-être oui, un questionnement au niveau d'une certaine légitimité culturelle, c'est-à-dire comme je m'étais mis à la culture classique très tard, par ces études que j'ai repris à 35 ans, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, quoi, parce que j'avais une assise culturelle qui était peut-être moins forte que si j'avais lu des classiques depuis l'âge de 10 ans. Je viens plus de d'une culture plus populaire, de romans plus populaires, de bandes dessinées, de cinéma, de choses comme ça. Et donc j'avais plus cette peur-là, c'est-à-dire en tout cas cette inquiétude-là d'avoir effectivement un bagage culturel un peu moins fort et d'avoir ce syndrome de l'imposteur qui m'a quand même suivi jusqu'à ma première année d'enseignement où j'ai vu que non seulement j'avais les bagages mais que ce qui était le plus important c'était il fallait évidemment avoir un vrai capital culturel mais que le plus important était dans la pédagogie, dans le rapport aux élèves, etc. Donc là ça s'est un peu enlevé à ce niveau-là. Donc voilà. Alors effectivement, je craignais de peut-être pas être à la hauteur culturelle, je me disais, mais peut-être il y aura certains de mes élèves qui auront 10 fois plus lu que moi, qui connaîtront plus, etc. Bon, alors, ce n'est pas arrivé. Mais après, on peut toujours se demander, avant d'être réellement face à une classe, est-ce qu'on va avoir l'autorité nécessaire? Est-ce qu'on va avoir le contact, le rapport qui va être bon avec des jeunes d'âge en plus assez différent, hein, puisqu'on est entre le collège et le lycée? Bon, ça veut dire qu'on a des élèves qui peuvent avoir entre 10 ans et 18 ans, et que, évidemment, on ne s'adresse pas du tout de la même manière à des élèves de ces âges-là. Donc, il y avait un questionnement à ce niveau-là. Bon, après, j'avais déjà été assistant d'éducation pendant mes études de droit, donc j'avais déjà eu un petit rapport qui s'était très bien passé avec des lycéens professionnels. Et donc, disons que je me faisais pas trop de soucis, en tout cas pour les premières années là. Voilà, on a toujours un petit peu peur de tomber dans des classes difficiles, de tomber dans des établissements difficiles, de pas savoir gérer certaines choses. D'autant plus que, quand même, il faut le dire, on a une formation qui est très sommaire à tous les niveaux et qu'on est en fait largué dès l'obtention du concours. On est largué dans une classe et allons-y, quoi. Hein. C'est vraiment, il faut se former sur le tas. Donc, voilà, il y a évidemment tout ça là qui est très stressant ou qui fait se poser énormément de questions. Et voilà, en tout cas, c'était plutôt sur ça, mais avec quand même un bon a priori, dans le sens où mes années de maître d'internat, tout ça, c'était très très bien passé. Voilà, je m'étais dit, si je tombais pas dans un endroit vraiment très difficile, j'avais pas trop peur de ça, mais... Même, il n'y a pas que l'autorité, quoi. C'est ça, c'est que certes, se faire respecter en classe, c'est une chose, mais après, voilà, c'est arriver à vraiment créer un lien, quoi. On est une espèce de canal de transmission du savoir, entre guillemets, ou en tout cas d'un certain type de connaissances. Et si ce canal est brouillé, s'il ne marche pas, on a beau être autoritaire ou être apprécié, il n'y a rien qui passe, quoi. Donc, c'était ça, quoi, évidemment. Mais je pense que, comme tous les profs au début, on se demande vraiment si on va y arriver, si on va être respecté, si on va être écouté, etc. Donc les résultats sont évidemment très mitigés, très variables selon les élèves. Mais c'était peut-être mes craintes premières. Après, peut-être il y a déjà un truc qui joue, c'est qu'en tant que professeur de philosophie, on a affaire à des quasi-adultes. Ils ont 17-18 ans, donc à bien des égards, ça peut aussi faire, ça peut faire moins peur, ça peut aussi faire davantage peur. Je me suis déjà retrouvé devant des classes en début d'année où à me dire ouf. Mais bon, globalement, voilà, on rentre dans un rapport qui est un rapport quasiment d'adulte à adulte, même si c'est pas du tout le cas, mais avec des gens avec qui on peut plus discuter en tout cas et rentrer dans la réelle discussion sans avoir besoin toujours de faire preuve d'autorité. Assez peu à faire, c'était une représentation que j'avais et ça se confirme, j'ai assez peu besoin de faire preuve d'autorité parce que essentiellement ça se passe par la discussion. Et d'autre part, il y a un autre truc qui m'a peut-être aidé à la fois ne pas trop avoir peur Et à m'en sortir, en effet, en termes d'autorité, c'est que, bah, comme on le disait au début, j'étais quand même un peu un connard en classe. Donc je sais comment ça marche. Du coup, je me disais que globalement, je sais ce qu'ils font, je sais ce qu'ils pensent, et je sais comment ils peuvent me nuire, parce que je l'ai fait. Trouver le moindre truc pour emmerder le prof, essayer de montrer que tu fais ce qu'il a dit, parce que ce qu'il a dit était flou, et que du coup, ça passe tout à fait. Que t'es jamais en tort, quoi. Et donc de toujours être en dehors des limites, tout en essayant de montrer que t'es dans les limites. Je savais aussi ce qui fait peur, je pense, à beaucoup d'élèves, et qui en fait ne fait pas peur. Par exemple, être collé, très franchement, ça fait peur aux élèves qui sont pas collés. Les élèves qui sont collés, moi j'ai été collé beaucoup au lycée, bah ça fait clairement pas peur. Parce qu'en plus, plus tu es collé, plus tu connais les camarades, plus tu connais les AED, donc les surveillants qui s'occupent de toi en col. Et en fait, bah, tout ce petit milieu devient tes copains et tu comprends que t'es peinard en col et que c'est pas spécialement gênant, quoi. Donc voilà, tous ces trucs-là, moi je sais que j'avais l'habitude un des grands jeux qu'on avait au lycée, c'était de confisquer les punitions aux profs. Un prof qui te colle, tu lui demandes une deuxième heure. Tu lui dis, ça me fait plaisir, est-ce que je peux avoir 2 heures, s'il vous plaît? Et là, le prof, il bug, il sait pas quoi faire. C'est super chiant. Ou alors, je me rappelle avec mon camarade Dylan, avec qui on sait pas mal de conneries, quand il y en a un de nous deux qui est exclu de cours, bah, l'autre, il demande à être exclu aussi parce qu'il a fait la même bêtise. Et on joue le jeu de la justice. Monsieur, c'est injuste que Dylan il soit exclu. Moi, j'estime que je devrais être exclu aussi parce que j'ai fait la même chose. Et du coup, le prof, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il rappelle les deux élèves en classe et il dit, maintenant, vous m'embêtez plus. Donc, tous ces mécanismes-là dans lesquels j'ai surabusé, et j'en suis pas spécialement fier, ça m'amusait. À certains égards, ça m'amuse encore. Mais bon, c'était pas la période la plus glorieuse de ce que j'ai pu faire. Mais ça m'a quand même aidé aujourd'hui à pas trop avoir peur de ces élèves-là parce que globalement, je crois que je sais comment ils fonctionnent. J'ai fonctionné comme ça pendant longtemps. Et je sais aussi ce qu'ils attendent un peu. Donc, moi, ce qui m'angoisse plus, c'est les élèves genre, qui font ce que je leur demande qui m'angoissent. Parce que alors comment on révise, machin, j'en sais rien. Comment on fait une fiche? Je sais que tous les ans, j'ai cette question, comment on fait une fiche? C'est très angoissant, j'en sais strictement rien. Et genre, ça m'arrive de leur dire, vous faites un exercice pour la semaine prochaine. Je comprends pas qu'ils le fassent. Ça me paraît fou quand ils me disent, monsieur, on n'a pas corrigé l'exercice. Ah oui, c'est vrai. Attendez 2 minutes. Mais pour moi, c'est pas bien, c'est pas une posture éthique et responsable peut-être, mais j'attends des élèves qui fassent pas. Donc ceux qui ne collent pas à ce schéma-là, j'ai du mal un petit peu. Enfin, ça, je m'en sors, mais c'est pas les plus terrorisants de la bande, mais j'ai du mal à saisir en fait leur mode de fonctionnement. Et peut-être juste une dernière question comme ça. Je sais aussi que pour pas mal de profs, ce qui peut faire partie des craintes avant de démarrer le métier, c'est un genre de complexe de légitimité. Parce que malgré le fait d'avoir terminé des études qui nous ont mené à un concours, etc., il y a ce truc de... qui, je pense, est en partie lié à ce mythe dont je parle de la vocation, mais bon, j'ai peur de pas être à la hauteur, de pas être légitime dans mon savoir, parce qu'il y a cette espèce de posture d'autorité du savoir quand même, et est-ce que je vais pouvoir l'assumer? Enfin, voilà. Toi, du coup, c'était pas quelque chose qui te... Ah, si. Si, mais plus, pour le coup, lié à la discipline. Je pense qu'il y a aussi une telle survalorisation, pas toujours légitime, de la philosophie, qui est utilisée un petit peu comme discriminant social. Et à la fois, le truc dont on parlait à l'université, cette espèce de savoir encyclopédique où on te fait comprendre que si tu lis pas Kant en allemand, bon, tu l'as pas lu. Si tu lis pas le grec, tu t'as pas lu Platon, etc. Donc, mais il faut lire dans le texte, mais vraiment dans le texte, quoi. J'avais même un prof à l'université qui nous avait conseillé de lire la Critique de la raison pure dans sa traduction latine, validée par Kant, qu'on comprenait mieux, donc voilà. Donc, bon, ça donne un certain niveau. Donc ça, oui, je l'avais, d'autant plus que j'ai eu l'impression qu'à l'université, et en prépa aussi d'ailleurs à bien des égards, mais on est passé à côté des concepts fondamentaux. C'est-à-dire comme si on nous donnait des éléments sans nous donner la base. Et je me souviens que ouais, les trucs qui me faisaient peur, c'était... précisément les questions légitimes des élèves du type ok, on a dit ça et ça sur la raison, mais techniquement c'est quoi la raison? Ça, je sentais qu'en fait je voyais mes lacunes énormes, et donc je pense que voilà, c'est ça dont tu parlais dans donc si ça clairement je l'ai eu, et je l'ai eu pendant assez longtemps. Maintenant, oui, je l'ai plus, c'est cette peur étonnante du fait d'être allé dans de telles subtilités aussi dans les études. Ouais, voilà, parfois c'est ça. Tu te dis, est-ce que je vais réussir à revenir aux choses les plus importantes, et qui sont sans doute plus, enfin,